la brume du matin, une pièce entre les doigts, une peine dans le cœur, pas de quoi rentrer chez moi sur un aéroport. Comme on voudrait s'envoler dans la brume du matin, nulle part où aller, sur la piste du départ, la première caravelle disparaît dans le brouillard. Je vois scintiller ses ailes, j'ai de la pluie dans les yeux, dans la gorge un goût d'alcool, mais déjà je la vois qui a pris son envol dans la brume du matin, dans la brume du matin. Elle ne laisse qu'un sillage, elle ne laisse qu'un sillage, avant de partir au loin, oh, oh, oh, tout au-dessus des nuages, où le ciel est toujours bleu, toujours bleu, où jamais il ne pleut. Jamais il ne pleut. Elle volera à midi, elle volera à midi, au-dessus de mon pays. Tout ça me fout le cafard, ici cloué sur le sol, j'ai les yeux pleins de brouillard. Je sens la fumée, je sens l'alcool. Il vaudrait mieux pour moi retourner sur mes pas, m'en aller un peu plus loin, m'en aller un peu plus loin, dans la brume du matin, m'en aller un peu plus loin.